chêne blanc au ghetto noir. Destiné à devenir zonard. Tu es le croisement banlieusard. Sorti un peu de notre rang. Tu es un grand au cœur d'enfant. T'as tellement serré les poings que tu ne peux plus aller plus loin. Parcours typique, une petite échelle. Hiérarchie, spéculateur. Tu n'es que le consommateur des arômes de cette grande poubelle. À cette rime sans enchantement. T'aperçois que dans le temps, on est requin ou piranha. Mais que l'hameçon est dans la barre, venu au monde sans le pouvoir. HLM blanc ou ghetto noir. Destiné à être un zonard. Tu es la grève.